Devant la petite boulangerie, plusieurs personnes semblent attendre. Il y a le boucher qui est immense, avec des cheveux frisés sur un front bas et de petits yeux dans un vaste visage. Il porte un tablier d'un blanc sale et taché de sang. Il y a Céleste, la servante de Monsieur le curé. Elle est naturellement d'âge canonique, dodue et distinguée. Puis la grosse Miette et Mademoiselle Angèle. Très maigre, très grande, c'est elle qui dirige les enfants de Marie et qui tient l'harmonium à l'église. Auprès d'elle, la très vieille tante Fine, qui a une jolie petite barbe blanche, deux ou trois jeunes filles et cinq ou six enfants. Casimir vient à eux et parle au boucher. Alors, le pain est beau, ça se prépare. L'instituteur est allé jeter un coup d'œil sur la fournée. L'instituteur sort de la boulangerie. Le vieux Maillefer, le pêcheur de truites, s'avance vers lui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, mon cher, je ne suis pas boulanger, mais enfin, il me semble que cet homme connaît parfaitement son métier et qu'il nous fera du bon pain. Il en a déjà sorti du four? Dans 10 minutes. Qui sait s'il le fera bon? Le boulanger paraît sur la porte. Et pourquoi je le ferai mauvais? On ne veut pas dire que tu le feras mauvais, non. Seulement, tu comprends, il y a pain et pain. Celui qui était avant toi, l'ange. Oui, celui qui s'est pendu dans la cave. Oh, surtout, ne parlez pas de ça devant ma femme, hein. Si elle savait que j'ai pris la suite d'un boulanger qui s'est pendu, elle serait effrayée et elle ne voulait pas rester. Alors Motus, hein? On a compris. Motus. Motus. Motus. Motus. Motus. Motus. Le papé, qui est un nain de 74 ans, un peu hagard, regarde anxieusement autour de lui. Où il est? Mais, alors qu'est-ce qu'il faisait le boulanger quand il se pendait pas? Ben, il faisait du pain. Oui. Seulement ce pain n'était jamais pareil. Oui, ah. Des fois très bon, des fois pas mangeable. Surtout le dimanche, parce que le samedi, il se prenait une cuite à l'anis. Alors, sur les coups de minuit, quand il pétrissait, il savait plus ce qu'il faisait. Une fois dans un pain, on a trouvé un bout de cigare. Et une autre fois, un dimanche matin, le pain avait le goût de l'anis. Les enfants se sont régalés, hein. Et vous supportiez ça, vous? Et qu'est-ce que nous pouvions y faire? Vous allez chercher du pain ailleurs. Nous l'avons fait pendant longtemps. Tu te rends compte, à Vos, 12 kilomètres et encore par des chemins de montagne. Alors on en prenait pour toute la semaine. Mais au bout de 4 ou 5 jours, le pain était tellement dur qu'on s'y cassait les dents dessus. Et on revenait chez l'ange parce que s'il le faisait pas toujours bon, il le faisait toujours ici. Mais moi où je le fais? Au fond, il a raison, voyons, attendons avant de juger. Hein. Mademoiselle Angèle s'est glissée au premier rang. Où étiez-vous, boulanger, avant de venir ici? Moi, madame. Mademoiselle. Pardon, mademoiselle, j'étais à Valençol. Et puis à Bannon. Oui. Et vous savez, il y avait de la concurrence. Nous étions 3 boulangers. C'était une vraie petite ville. C'était pas un village comme ici. Et puis il y avait des connaisseurs. Oui, hein. C'est parce que les connaisseurs t'ont plus voulu que tu es venu ici. Non, c'est à cause de ma femme. Elle craint le froid. Alors là-bas, c'est trop haut. Ici, c'est plus bas. Et bien, quand je suis parti, les connaisseurs m'ont dit, boulanger, nous te regretterons. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. Le principal, c'est que tu nous fasses du bon pain. Et pourvu qu'il soit aussi beau que ta femme, eh bien, ça nous suffira. Oh, certainement. Aussi beau que ma femme. Il est rigolo, celui-là. Eh ben. Alors, il va, lui. Du pain aussi beau que ma femme, mais je ne sais pas si on l'a jamais fait. Ah, tu as raison, boulanger. Elle est belle, ma femme, hein. Dis-moi, il est belle, ma femme, hein. Ah, ça, oui. Ça, on peut le dire. Dites, monsieur instituteur. Pas vrai qu'elle est belle, ma femme? Mon cher, si elle essayait tout à coup la nuit dans une ruelle obscure de m'embrasser fortement sur la bouche, je ne porterais pas plainte. C'est à vous, mais pas à moi. Le boulanger est ravi. Il rit de plaisir. Si je vous fais du pain, la moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffit? Je comprends. Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain. Car la beauté d'une femme n'est qu'une parure éphémère qui se flétrit comme une fleur. Et ça fait plaisir aux vieilles betteraves qui ne risquent pas de se flétrir. Elle est belle, va ta femme, boulanger. Je comprends qu'elle est belle. Mais ça me fait plaisir que vous la trouviez belle. Vous savez, encore, vous ne l'avez pas vue avec le costume de dimanche. Ou alors la nuit, le soir, quand elle se laisse habiller pour se coucher à 16h. Aimable, le pain est prêt. Et avec ça, elle est modeste. Elle ne veut pas qu'on parle d'elle, le pain. Il entre dans la boutique, on le suit. Voilà ce monsieur dame. La boulangère est assise au comptoir. Elle est beaucoup plus jeune que son mari. C'est une brune aux yeux brillants, la bouche charnue, la poitrine haute. Elle est bien coiffée et vêtue comme une dame de la ville. Elle reste immobile, la lèvre dédaigneuse et le regard lointain. Le boulanger traverse la boutique et descend au four, qui est 4 marches plus bas. Il ouvre la porte du four, il plonge la lampe baladeuse, regarde un instant sa fournée. Puis il referme la porte. Oui. Une minute de plus, ça ne fera pas de mal, allez.